poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Estamos en Radiopolis, seguimos en Radiopolis. Et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la. Esto es La Chanson, el programa de Julio, soy Andrés, y en el control tenemos a Samuel. Les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Bueno, hace calor, ¿verdad? Ya llegó el verano, estamos en julio, estamos en la playa o en Sevilla, aguantando la calor en la playa o recordando el fin de semana. Vamos a prolongar o acompañar este momento, vamos a escuchar el mar cantado, en francés, el mar, la playa, el sol y todo lo que conlleva. Cuando pensamos en el mar, la primera canción que nos viene a la mente se llama justamente El mar, La mer. Una canción del cantante que acabamos de escuchar, el maestro de los maestros, Charles Trenet. Es una canción de 1946. Más que una canción, ese tema es un fenómeno de sociedad. De este tema ha vendido la friolera de 70 millones de copias y hay alrededor de 4.000 versiones en todos los idiomas posibles. Personalmente tengo una en japonés en mi casa. Es una canción de 1946 que compuso yendo en el tren, viendo el mar, y ha tenido un éxito que él mismo no se esperaba. Esa canción dice el mar que vemos bailar en la orilla de los golfos claros, tiene reflejos cambiantes debajo de la lluvia. Y con una canción de amor, el mar ha mecido mi corazón para toda la vida. Esa canción salió en muchas películas americanas, series, cómics y otras canciones de otros cantantes posteriores. Escuchamos entonces La mer de Charles Trenet del año 1946. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer. Au ciel d'été, on fond ses blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, la mer, elle les a bercées le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Vamos a dar un salto en el tiempo. Pasamos a una canción del año 67, una canción muy famosa, pero no tanto como la anterior, que es un fenómeno de cultural o de sociedad, como queráis. Esa canción que vamos a escuchar ahora es una canción que se llama Sous le soleil, exactement, podríamos traducir por debajo del sol exactamente. Es una canción de Serge Gainsbourg, del que ya hemos hablado el otro día. Y con esa canción se hizo famosa su intérprete, Anna Karina, una danesa que llegó a Francia y se metió primero en el mundo del cine, se cruzó con Jean-Luc Godard, que fue su marido durante un tiempo, y ya cuando cantó ese tema que vamos a escuchar, ya era muy famosa porque había rodado en todas las películas 7-8 que había hecho Jean-Luc Godard con ella hasta ese momento. Ha rodado películas como Pierrot le Fou, Alphaville, una mujer con Belmondo, una actriz muy conocida. Esa canción es muy relajada. No me acuerdo en el punto exacto del globo. Estaba debajo del sol, pero justo debajo. Quizás fuera un sueño erótico o quizás fuera real, pero no me acuerdo en qué punto del globo estaba, cerca del mar. Sous le soleil, exactement, interpretado por Serge Gainsbourg, interpretado por Anna Karina, del año 67. Sous le tropique du Capricorne ou du Cancer, depuis j'ai oublié lequel. Sous le soleil, exactement, pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. Depuis j'ai oublié laquelle. Sous le soleil, exactement. à côté, n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce là, Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Sous le soleil, exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais. Les yeux ouverts, et pourtant si c'était réel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous. La maestría de Gainsbourg y el talento de Ana Karina. Ah, el mar, la playa. La playa es también los cuerpos desnudos o menos vestidos de lo habitual y la puerta abierta a aventuras. La próxima canción que vamos a escuchar se llama Les filles du bord de mer. Es una canción del año 64. Se puede traducir por Las chicas de la costa. La compuso el cantante italo-belga muy conocido en España, Salvatore Adamo. Canto en muchos idiomas y uno de ellos en español, y vendió muchísimos discos en el mundo, más de 100 millones parece que vendió. Esa canción cuenta en un tono humorístico y con acento de cateto del pueblo que va a la playa y les gusta las chicas de la costa porque tienen el alma hospitalaria y a esas chicas les gusta el deporte. No dice de qué deporte, pero lo insinúa y se puede adivinar. Les filles du bord de mer de Salvatore Adamo de 1964. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au teint si clair, elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. J'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille des rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt d'aller chez le masseur, elle invitait le grand des baigneurs à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. La, la, la. fête pour qui savait qui faire. Lui pardonne cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mes décors d'invité, j'ai commencé à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle sera mise à faire du sport. Je tolérais ce vieux mondingue, sinon elle devenait malingre. Bonjour, j'en ai eu marre, c'était pique la mer à boire. Je l'ai retué un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, c'était chouette les filles du bord de mer. C'était faite pour qui savait leur plaire. Tuvo mucho éxito con esa canción por lo rompedora que era en aquella época, en el 64, bueno, ya hoy en día. Las chicas de la playa inspiraron más de una canción, como la siguiente, que es todo un monumento. Se llama J'aime regarder les filles, es un tema del año 81, que canta, que compuso Patrick Coutin. Me gusta mirar a las chicas en la playa, obviamente. Es un arrollador éxito que le permitió a Patrick Coutin dedicarse a la pintura, lo que le gustaba, y hacer álbumes más intimistas y conceptuales. Por ejemplo, su proyecto actual que está en curso, se llama Katmandú, y son tres álbumes sobre el tema del paraíso. Patrick Coutin tiene ahora mismo 63 años. En su ocasión dice: me gusta mirar a las chicas que andan en la playa, las caderas que balancean, miro las olas que juegan con su cuerpo, su vientre que se pega en la arena caliente, su pecho hinchado con el deseo de vivir. Entonces vamos a despertarnos un poco. Escuchamos J'aime regarder les filles de Patrick Coutin del año 81. seguimos con le ciel, le soleil et la mer, el cielo, el sol y el mar. Un éxito del año 65 de François De Gelt que sigue sonando hoy en día. De Gelt nos dejó el año pasado con 81 años. Toda su vida cantó, pero nunca consiguió tanto éxito como con esta canción. Simple, pero pegadiza. Un himno a las vacaciones en la playa con la pareja. Dice, tumbados en la playa, el pelo en los ojos y la nariz en la arena, qué bien estamos los dos. Le ciel, le soleil et la mer de François De Gelt de 1965. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux. Et le nez dans le sable, on est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps. À midi sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chante tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance. En chantant le ciel, le soleil et la mer. En chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons. Et le soir dans ta chambre, nous le rechanterons. Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil. Este tema, históricamente, es la primera canción del verano, lo que se dice en francés, le tube de l'été. Pero este ha quedado en la historia, no se ha olvidado. Pasamos ahora a un grande de la canción francesa, Serge Lama, que lleva más de 50 años cantando y con muchos éxitos en su mochila. Con su estilo particular, entre poético y popular. Ya abandonamos el erotismo y la playa y volvemos al mar en sí. Ese tema se llama Les vagues de la mer, las olas del mar, del año 70. Y dice, las olas del mar son besos, son serpientes. El mar es un amante, tiene entre sus manos el destino de los marineros. Les vagues de la mer de Serge Lama de l'année 70. Les vagues de la mer sont des baisers que la la mer vient poser quand elle s'ennuie d'attendre. Les vagues de la mer sont des baisers. Le sable tend sa joue à cette femme tendre. Le sort des marins est entre ses mains. La mer est une maîtresse. Sur son dos meurt un jour de ses caresses. Les vagues de la mer sont des serpents que la mer vient poser sur les genoux des femmes. Les vagues de la mer sont des serpents qui viennent doucement empoisonner leur âme. Le sort des marins est entre ses mains. La mer est une maîtresse. Et tous les bateaux s'habillent de peau pour mériter ses caresses. De la mer sont des mouchoirs que la mer a tressés pour consoler les veuves. Les vagues de la mer sont des mouchoirs dont les filles se font parfois des robes neuves. Le sort des marins. Son las vacaciones muchas veces en familia. Es el momento del año de la pausa antes de volver a su cotidianeidad. Es lo que nos cuenta Michel Jonas en Les vacances au bord de la mer, las vacaciones en la costa, un tema de su segundo álbum de 1975. Michel Jonas es un artista un poco peculiar, es de origen húngaro y judío a la vez, y eso se nota en su música. Es uno de los más importantes, a su vez, cantante con estilo de jazz en la canción francesa. Y vamos a la costa con mi padre, mi madre, mi hermana. Veíamos cómo los otros gastaban su dinero. Nosotros, cuando habíamos pagado el piso, teníamos que tener cuidado. Les vacances au bord de la mer de Michel Jonas del 75. On allait au bord de la mer. Avec mon père, ma sœur, ma mère, on regardait les autres gens, comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer,

esa magnífica voz de Jean Ferrat. No podemos ir sin hablar del mar de los marineros. Vamos a escuchar un tema mítico del año 83 del no menos emblemático Renaud, el niño terrible de la canción francesa. Ese tema se llama Dès que le vent soufflera, en cuanto sople el viento. No es propiamente dicho una canción de marineros, es una canción paródica de autodarición, como muchas de las que hace Renaud, que habitualmente cuenta las aventuras de pandillas delincuentes en los suburbios. Es un resumen muy muy muy burdo de su temática, pero bueno, esa canción es una canción autocrítica de su experiencia de marinero. Se compró realmente un barco, cruzó el Atlántico, navegó y lo pasó regular. En esa canción hace referencia a la otra canción mítica de Hugo Frey, que no vamos a escuchar aquí, que se llama Santillano, y a marineros profesionales muy conocidos en Francia que se dedican su vida a cruzar mares en veleros, ¿no?, como Tabarly o Kersauzon. Y la historia cuenta que estos cantantes, que eran chillos así muy rudos, llegaron a cantar en sus propios barcos en momentos de fiesta esa misma canción que vamos a escuchar ahora. Renaud compuso esa canción en su barco, y decir también que lleva mucho tiempo en silencio. Sacó su último disco en el año 2006, Molly Malone, y estamos esperando impacientes un próximo disco que ha anunciado que va a grabar este verano, que va a ser todo un acontecimiento en el panorama musical francés. Es muy difícil resumir esta canción, pero bueno, el estribillo dice algo como: no es el hombre que coge el mar, significa que zarpa, es el mar que coge al hombre, no coge a la mujer que prefiere el campo. Dès que le vent soufflera, de Renaud, del año 83. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta ta ta. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. tirez aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. C'est Cavardi, Pajot, Kersauzon et Riguidel. N'habite pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requins. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin. El famoso, dès que le vent soufflera, nous nous en allerons. Voy a intentar explicar, no sé si lo voy a conseguir, ese juego de palabra lingüístico. Allerons es el futuro, debería de ser el futuro de, del verbo ir, el verbo aller en francés. En esa canción, en vez de decir iremos, dice algo como vameros o de vamos, ¿no? Del verbo ir. Y eso se ha quedado en el lenguaje coloquial en Francia, que es esa referencia a esa canción. Seguimos con un tema que se llama Outre-mer, Ultramar, del año 91, de un cantante que ya hemos escuchado aquí, que se llama Bernard Lavillier, que es un gran viajero, ha estado en muchos países, no como Renaud en su barco, pero ha vivido en muchos países, como por ejemplo en Brasil. Ultramar es de su álbum Solo del año, que se llama Solo, del año 91. Estoy perdido en el mar, navegando en solitario, empujado por vientos adversos. ¿Quién llora o sonríe sin mí en el otro lado del universo? Se pregunta. Outre-mer de Bernard Lavillier del año 91. Maintenant pleure encore outre-mer, qui quelque part pleure encore, pourquoi, qui maintenant quelque part à l'envers, qui simplement sourit sans moi. Je suis perdu en mer, naviguant solitaire, poussé par des courants contraires. Qui maintenant marche encore outre-mer, qui quelque part c'est loin de moi. On est perdu la mer. On est perdu la mer. Je suis perdu en mer, naviguant solitaire, poussé par des courants contraires. Qui, sans raison, quelque part, solitaire, meurt maintenant. Pour qui, pourquoi? Maintenant, quelque part, à l'envers, mais sans raison, j'entends sa voix. Terminamos con un grupo de reggae de Marsella, Massilia Sound System. Activo desde el año 84, se hizo famoso por acoplar el occitán, la lengua del sur de Francia, con el reggae. Pero vamos a escuchar un tema en francés que se llama Mekele Bel, pero como Mekele Bleu, perdón, pero como es azul. Dice que el mar es lleno de peces, después de lleno de marineros, de chicas guapas, de pescadores y de recovecos donde ir. Excelente tema para resumir pues todas las facetas del mar. Nos volveremos a ver en septiembre, en agosto, vacaciones, con nuevas canciones. Buen agosto y escuchamos entonces Quelle est belle de Massilia Sound System del año 93. Alors la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh que c'est bon cousin. Mais quelle est bleue, mais quelle est belle, mais quelle est belle, mais quelle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais quelle est bleue. Mais quelle est belle, mais quelle est bleue comme tes yeux. Quand moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons. Elle est pleine de poissons, des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verres et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais quelle est bleue, mais quelle est belle, mais quelle est belle, mais quelle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais quelle est bleue. Mais quelle est belle, mais quelle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux, elle est pleine de marins. Elle est pleine de marins, tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs. Des souvenirs à l'appel et le récit dure des heures. Mais quelle est bleue, mais quelle est belle, mais quelle est belle, mais quelle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais quelle est bleue. Mais quelle est belle, mais quelle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolies filles. Elle est pleine de jolies filles, aussitôt qu'arrive l'été, aussitôt que le soleil brille. Bikini, monokini, déduit le corps des demoiselles. Sous le ciel de Marseille, elles apparaissent encore plus belles. Les garçons tapageurs sont tous de méchants mancheurs. Nos patons, pétons, blasters, lunettes noires de rigueur. Ils font des matchs de volée et puis des concours de danger. En bombe du plus haut des rochers. Ils se font cajoleurs, ils se font enjôleurs. Et pour apaiser leurs émois, se jettent à l'eau tous les quarts d'heure. Mais quelle est bleue, mais quelle est belle, mais quelle est belle, mais quelle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais quelle est bleue. Mais quelle est belle, mais quelle est bleue comme tes yeux. Oh rends-moi ça me rend heureux. Peine de pêcheur, peine de pêcheur. Il y a les professionnels, il y a les amateurs, les pros. Pour eux la pêche est un dur labeur, mais pour nous autres les pescadous la pêche est un vrai bonheur. Si tu veux prendre du sard, il faudra te coucher tard. Mais si tu te lèves tôt, tu peux attraper du fajon. Mais très patient, il faudra être patient, précis, organisé, toujours être en mouvement. Avoir la meilleure tactique et l'employer au bon moment. Trouver ta position en tenant compte des courants. Quand ton chasseur sous-marin qui ne craint que les murennes, il reste cool et serein, il attend que ça provienne. Hey, à la cachon il est, à la cachon respiration, à la cachon il est, à la cachon fusil à fond, à la cachon il est, à la cachon des gros poissons. Il porte beaucoup de plomb, possède de gros poumons. Il se prend pour le héros d'un film de Luc Besson. Les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les boum, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolis coins, elle est pleine de jolis coins. L'hiver on s'y promène et l'été on y prend le bain. Tous les gens des quartiers de toutes les communautés, sur un bout de rocher ou sur le sable se chauffer. Sans façon, sans manière et sans arrière-pensée, plein ensemble partagé, le soleil et ses bienfaits. Quand je veux être cool, moi je m'en vais au Frioul. Quand je veux voir plein de gens, je m'en vais au Catalan. Quand le temps se fait mauvais, je vais à l'abri côtier. Et si je vais au bout du monde, hey, et si je vais au bout du monde, sas. Et si je vais au bout du monde, tu sais pas. Et si je vais au bout du monde, je m'arrête à Carolong. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux, et ça fait pas, pas, pas, pas, pas, pas de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava, tu sais. Pas, pas, pas, pas, pas, pas de marina. Oh non monsieur Godin, il ne faut pas bétonner ça. Pas, pas, pas, pas, pas, pas de marina. Ici c'est pas la Riviera.